Bon matin tout le monde, bienvenue à bonheur.com. Il est présentement 11h01 et vous êtes en compagnie de Julie Beauregard-Maillé jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on va parler de sorties à faire dans la région au cours des prochains jours. Et on va commencer tout ça avec quelqu'un pour qui ça va très très bien. Il est en nomination au Gala de la Disque le dimanche 7 novembre prochain. Il est en nomination dans la catégorie Album de l'année reprise, Album de l'année meilleur vendeur, interprète masculin de l'année également, chanson populaire de l'année et révélation de l'année. Il sera en prestation ce soir-là. Je parle de Maxime Landry et on commence avec Cache-Cache. J'aime beaucoup l'acteur Justin Long, je dois dire. Je trouve que c'est un acteur qui est souvent sous-estimé. On ne l'a pas vu dans tant de films que ça. Il y a deux scènes du film, dont une scène justement avec Justin Long au salon de bronzage. Vraiment, c'est à se rouler par terre. Et je vous en dis pas plus, c'est un bon divertissement. Par contre, oui, parce que tu me disais, André, je veux juste revenir là-dessus, tu l'as dit hors d'onde, cet homme-là, dans la mi-trentaine, voulait mettre le feu à la maison. Oui, parmi ce qu'on a réussi à savoir avec les services d'urgence, c'est qu'à un moment donné, il avait effectivement menacé d'incendier la maison. Okay. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas trop su dans les médias nationaux, là. Imaginez-vous, là, des montagnes à perte de vue, des champs d'oliviers à perte de vue, vous êtes 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, et tout à coup, ça part, cette chanson-là. We're all Africa. 267 millions de personnes à travers le monde ont regardé ce vidéoclip de Shakira sur YouTube. C'était Waka Waka, ce qui en fait le troisième vidéoclip le plus vu de toute l'histoire du vidéoclip. Alors, félicitations à Gabrielle Laroche et Valérie Charlebois qui gagnent leur laissez-passer double pour le Studio 101 le 29 novembre prochain avec Alexandre Béliard et Annie Blanchard. Et aujourd'hui, à la météo, ben, c'est des passages nuageux, maximum 9. Pour ce soir et cette nuit, quelques nuages, minimum moins 1. Demain, alternance de soleil et de nuages. Et présentement, il fait 6 degrés sur Sorel-Tracy. Il fait très beau dehors, très chaud encore une fois. Mais par contre, il y a une dame qui me fait signe à l'extérieur. Oui, oui, il fait effectivement très chaud dehors. Pour arrêter de fumer, il faut vouloir arrêter. Ça prend de la volonté. Bon, ben c'est une belle conclusion. Alors, on va rappeler aux gens que c'est les mercredis soirs de 19h à 21h. C'est exact. 8 rencontres. C'est gratuit. Oui. Et à quel numéro on téléphone pour s'inscrire? L'appeler au CLSC du Havre au 746-45-45. Parfait. Donc, 450-746-45-45. Merci beaucoup, M. Verrette. Ça me fait plaisir. C'était Daniel Verrette, physiologiste en pneumologie de l'Hôtel-Dieu de Sorel, qui nous parlait de la clinique anti-tabac. Alors, on poursuit en musique juste avant d'aller aux nouvelles. On écoute la chanson « Je me sens bien auprès de toi », Laurent Jalbert. Voilà, c'était Julie Beauregard-Maillé. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.